T'avances insolente et si belle, tous les hommes te regardent, te désirent, tu les provoques, si ça te plaît, je préfère te quitter. Ma jalousie a brisé notre amour. Passion à plaisir, mais tu ne peux pas tout à la fois avoir les autres et moi. C'est trop, si j'ai encore quelques fiertés, il me faut te quitter. Ma jalousie a brisé notre amour. Na na na na na na na na na na na na na na na. Ma jalousie a brisé notre amour. Na na na na na na na na na na na. Pourtant je t'aime encore.